Michel n'est pas triste. Mais Michel a vieilli. Ses pensées, ses gestes ne sont plus ceux d'hier, mais bien ceux d'aujourd'hui. Et lui est en paix. Les génies sont calmes et les autres se frustrent de ne plus les voir briller. Qu'est-ce qui m'en restera ? Une odeur de tabac qui sent comme de l'espoir. Vers quoi je me tournerai ? Vers une chaise de jardin, une chemise en laine. J'ai jamais aimé le changement. J'suis rassuré que parce que je connais, les gestes sont moins vifs qu'avant. Mais je te redemande les mêmes conseils. Dis-moi qu'est-ce qu'on retient. Dis-moi qu'est-ce qu'on retient. Dis-moi qu'est-ce qu'on retient. Dis-moi ce que je dois retenir des moments, des actes. Quand je me parle tout seul, je te cherche dans mes phrases. Je voulais juste essayer. Bah maintenant c'est trop tard, on y est. Dans ma rétine et je progresse dans ma délivrance. Dans le stress de la vérité, poussière, tu vas retourner. Ouais, la poussière, ça s'envole. Alors la poussière, j'ai peur de l'oublier. Vas-y, bouge, laisse-moi prendre ma sœur dans les bras. Lui demander pourquoi elle me parle pas. Vas-y, bouge, je parle à la pudeur comme une garce. Au lieu de demander aux gens que j'aime comment t'en es. Qu'est-ce qu'on retient? Dis-moi qu'est-ce qu'on retient? Dis-moi qu'est-ce qu'on retient? Dis-moi ce que je dois retenir des moments, des actes. Quand je me parle tout seul, je te cherche dans mes phrases. Je voulais juste essayer. Bah maintenant c'est trop tard, on y est.